بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence ou tolérance avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. Septième leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أمس أخذنا شيئا من رد على شبهة التي هي تتعلق ب que l'on vive ensemble, en communauté, afin que les koufars s'apaisent quant à la situation des musulmans. Ce qui a emmené à quoi ? À parler justement de la hijra. Car à la base, justement, la hijra était faite pour ne pas qu'on vive avec eux. Donc ce qu'elle aime était bâti. Et de là, on a cité cette nasiha que j'ai intitulée les vrais bagages pour la hijra, en fait. Les vrais bagages à préparer. Et en fait, ce sera le dirs 7. Ce sera le dirs 7, le précédent. Une chose, faut pas que les gens comprennent, lorsque hier on parlait par exemple de ce phénomène du culte du corps, de vouloir faire du sport. Déjà à la base, faire du sport en islam, ça peut être même de une ibada en fonction de ta niya. Ou aïdou laoub mastatartou min kouwa, par exemple, préparer ce que vous pouvez comme force. Tu prépares par exemple pour un éventuel jihad qui pourrait arriver par la suite. Ça, c'est Mahmoud. Tu te mets en condition physique pour pouvoir affronter ce qui risque de t'arriver par la suite. Et ça rentre dedans. Tu prépares ce que tu peux comme force. Mais ce que nous, hier, nous vous avons voulu mettre en évidence, c'est que ce sport, parmi leurs niya, ces gens, bien qu'on ne connaît pas leur cœur, mais ces sports amènent à ça, c'est le corps. Enfin, même temps, remodeler un corps. C'est pas avoir la forme, mathalène, et être actif pour faire ce que tu as à faire dans la journée, même dans tes ibadas, tu as du nashat. Ce genre de sport, c'est pour remodeler ton corps. D'ailleurs, ça s'appelle culturisme. En anglais, ils disent bodybuilding, c'est former un corps, quoi. Le but, c'est avoir une forme physique particulière. Tu te resculptes un corps, comme on dit. La musculation. Là, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que des gens disent ouais, mais c'est pour être beau. Dans le hadith, c'est venu Allahu Jamil ou Yuhibbul Jamal. Il va te dire ça, lui. Il va dire Naam, Allahu Jamil, min asmahi, ou Yuhibbul Jamal. Allah est beau, il aime la beauté. Mais la beauté, c'est Ahada Amrun Nisbi. C'est une chose qui est. Qui varie. Elle varie, la chose. De tout un chacun et de lieu en lieu. La beauté, par exemple, en Afrique, ne sera pas la même beauté qu'en Europe. Par exemple, la beauté en Asie ne sera pas la même beauté qu'en Amérique. Chacun ses coutumes. Chacun a sa culture. Par exemple, les gens ont un accoutrement qui leur est propre. Toi, tu vas arriver dans un pays, tu dis, ah, c'est l'Est qui porte, et pour eux, c'est Rayat El Jamal. C'est ça la beauté pure pour eux. Ce vêtement-là, cette coiffure-là, par exemple. Après, il y a les modes. Comme on sait, les modes, elles varient à chaque fois. À un moment, tu as une mode, après, tu en as une autre, ainsi de suite. Donc là, pour dire la beauté, Allah subhanahu wa ta'ala, la beauté, que chacun sera beau pour Allah si il le fait avec une bonne niya. Par exemple, demain, un homme beau pour Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas forcément un homme musclé. Ça veut dire que quoi? Les gens qui sont maigres, ils ne sont pas beaux pour Allah. Dans le hadith, surtout, c'est être propre sur toi. Être bien coiffé, soigné. Ça ne veut pas dire que tu vas te faire un corps, comme je ne sais pas qui t'a vu à la télévision, tu dis Allah, il aime ça. Non. Les meilleurs des hommes avant nous n'étaient pas comme ça. On a eu un descriptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un homme qui avait une apparence musclée comme ça. C'est un excès. d'y être musclé et abusé. En tout cas pour dire que le hadith ne vient pas contredire ce qu'on a dit hier. Que la beauté dont, qui est dans le hadith, c'est le fait que tu te tiennes bien propre sur toi. Tu es avec des vêtements propres, tu es bien soigné, tu es parfumé, d'accord, en mesure de tes moyens. Comme dans le hadith de cet homme qui avait des ni'al. Il dit, « La uhibba nusharikani ahadun fiha. » Je n'aime que personne ne me concurrence ou m'égalise. Hal hada min al-kibr? Parce que cela est de l'orgueil. Non, mais ça, non, c'est pas de l'orgueil, ça. L'orgueil, c'est de rejeter la vérité et de rabasser les gens. Mais demain, quelqu'un va être beau, va être le plus beau, on va dire. C'est pas de l'orgueil. Et cet homme-là, c'était par rapport à quoi? Par rapport à son apparence. Il voulait avoir le plus beau kamis. C'est pas blâmable. Je veux avoir les plus belles sandales. Ce n'est pas blâmable. Je veux la plus belle imama. Je veux le plus bon parfum. Non. Il n'y a pas de mal en ça. C'est bien, même. Alhamdulillah, c'est l'ibada. Matlub shalhan. Regarde un exemple. Safina. Radiallahu anhu. Safina. Le sahabi qui s'appelle Safina. Dans le hadith, on a pris Safina. C'était qui? Un sahabi, on ne connaît pas son nom. Il n'a pas voulu dire c'est quoi son vrai pronom. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sortis avec le sahaba. Et tous avaient du mal à porter leur attirail. Ils avaient un attirail avec eux. Arsenal militaire, tout ça. Et ils commençaient à peiner à tout porter. Et lui, il a commencé à prendre pour eux. Il en porte un. Masha'Allah, il tient. Il prend un deuxième. Masha'Allah, il tient. Troisième, quatrième, il prend tout sur lui. Il portait tout. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est Ihmel Feinaka Safina. Porte, car tu es Safina. Là-bas, Safina, en français, c'est aujourd'hui traduit par un paquebot, un bateau. À l'époque, je ne sais pas si c'est le même terme, pour dire que tu transportes. Il a dit, je pourrais porter encore 3, 4, 5, 6, 7, je ne fatiguais pas. Je ne fatiguais pas, il disait. Est-ce qu'il a pensé qu'il était énorme et musclé, cet homme-là, le sahabi, radiallahu anhu? Non, c'est une chose qu'Allah lui a mis en lui, une force incroyable. Il portait l'arsenal de tout le monde, l'attirail de tout le monde. Et c'est un truc militaire, c'est-à-dire c'est lourd. Dire tu portes le tien, c'est lourd. Parce que tout le monde, les sahaba, peinés, fatigués avec leur propre attirail à eux. Et lui portait les leurs, tous, à la mine d'Allah. Est-ce qu'on a dit qu'il est parti soulever des poids pour faire ça? Il y avait un sahabi également qui était apporté, j'ai oublié son nom. Il courait plus vite qu'un cheval, Yari. Est-ce qu'il passe des journées dans le stade à courir, comme ils font aujourd'hui, pour avoir un record? C'est Allah qui a mis ça en lui. Il courait plus vite qu'un cheval. Aujourd'hui, tu les vois se doper, faire je sais pas quoi. On t'a mis ça à lui, ils auraient tous mis derrière lui. Comme ça. Est-ce qu'il s'entraînait tout le temps comme ça, longueur de temps? Ça n'a pas été rapporté. Et pourtant, il courait une vitesse ahurissante. Des choses que Allah met dans les gens. Ouais, les gens, les koufas, ils aiment bien, tu vois, avoir ta calouf. Donc le tembi par rapport à ça. Ne pas confondre entre la beauté qui est légiférée et qui est une chose demandée en islam et le takalluf, se forcer, te charger d'une chose que tu n'as pas demandé de faire. Ou pour même des fois en faire trop. Parce que c'est trop de temps. Tu focalises là-dessus. Tu ne parles que de ça. T'en deviens obsédé. Tu mets ton argent là-dedans. Tu manges même plus pour vivre, tu manges pour avoir un gros corps. Ton régime alimentaire est basé sur quoi? Sur ton apparence physique. C'est pour Allah? C'est quoi que tu veux? Tu veux impressionner tes ennemis avec des gros muscles? C'est pas ça que tu en peur. Crois-moi bien que le kafir, tu lui amènes un salafi instruit, ça il a peur. Tu peux arriver, tu as des pecs, je sais pas quoi, autour de bras énormes, il va te ramener un plus balèze que toi, il va dire c'est ça. C'est pas ça qui va leur faire peur. C'est pas que tu sois avec un gros corps. C'est ton iman qui leur fait peur. Ça faut se mettre ça en tête. Et ta science, ta da'wa, c'est ça dont ils ont peur. Que tu appelles l'islam, hein, et que tu démontres leur fausseté. Ça ils ont peur. Ah mais un gros corps. Donc la lâche bois c'est quoi maintenant? Toujours at-tasamuh. Voyez, at-tasamuh. Ils disent que quoi? At-tasamuh, cette indulgence, cette tolérance, sont un fondement parmi les fondements les plus importants dans les échanges avec les autres, avec autrui. Et quand ils disent autrui, on sait qu'ils visent qui? Les koufars, bien entendu. Donc le shir, qu'est-ce qu'il dit en répondant à ça? Il dit at-tasamuh, légiférer, regroupe la douceur et le bon comportement et la convivialité envers qui la mérite. Et les bons échanges, par exemple, dans la vente, dans l'achat, la modestie, l'humilité, hein, le fait de pardonner, ou la afou, ou la sof. C'est quoi la différence? Elle a afou, ou afou, ou asfahou. Ça veut dire pardonner et oublier. Il y a une différence entre pardonner à quelqu'un et oublier. Par exemple, demain, je peux te pardonner, ça veut dire que j'ai oublié ce que tu m'as fait. L'autre est d'un degré plus haut. Je te pardonne, et ce que tu m'as fait ne compte même plus, c'est oublié. Tama aman. Ce n'est pas tout le monde qui a ce niveau-là. Souvent, les gens, ils pardonnent. Ils disent, je te pardonne. Mais ce que tu m'as fait, je ne l'ai pas oublié. Je ne t'en veux plus. D'accord ? Je ne t'en veux plus de ce que tu m'as fait, comme injustice. Mais elle est ancrée dans ma mémoire. Ce que tu m'as fait ce jour-là, je ne l'oublierai pas. Donc là, Al-Yasmar, il te pardonne et en plus, il délaisse cela. Pour lui, c'est comme si tu ne l'avais pas fait. Et ça, c'est un niveau haut de la foi. Donc il dit, c'est ça. Ainsi que la véracité et l'honnêteté. Tout cela fait partie justement de la tolérance, de l'indulgence légiférée. Hein? Avec les preuves du Kitab wa Sunna. Le kafir, naam. Tu vas être véridique avec lui. Tu lui dis la vérité. Tu vas être honnête avec lui. Non. Dans la vente, dans l'achat, tu vas être honnête avec lui, de confiance. Ça, ça rentre dedans. Mais ce n'est pas comme eux l'entendent. Ce n'est pas comme eux l'entendent. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع او اذا اشترى واذا اقتضى كلا فاس ميزيكورد un homme indulgent lorsqu'il vend, lorsqu'il achète et lorsqu'il tranche, lorsqu'il juge. Par exemple, demain tu viens pour acheter quelque chose, hein, tu ne mets pas le couteau sous la gorge au vendeur qui te baisse le prix à voilà, allez vas-y, tu négocies. Tu es un vendeur, tu aides, tu arrives à négocier de façon raisonnable, avec des prix raisonnables. Tu es prêt, indulgent. Demain, tu tranches entre deux personnes, tu es indulgent pour ne pas trop écraser l'autre. Fais en sorte que, tu vois, tout le monde trouve du sien. Si jamais tu es comme ça, Allah te fera miséricorde. Mais le contraire, tu es trop dur, tu lâches pas l'affaire, comme on dit. Tu fais pas de tanazoul des fois, alors que tu peux en faire. Eh ben, tu vas trouver la même chose. Les gens vont être pareils avec toi. Demain, tu es indulgent avec les gens. Dans ce domaine-là, tu trouveras chez les gens la même chose, par Allah. Tu seras souple avec les gens seront souples avec toi. Mais tu seras dur, tu ne vas pas lâcher, comme on dit, au moins de haq, tu vas le réclamer, les gens ne vont pas avec toi. Chaque haq, je ne lâche pas. Tu dis, bah, si tu es comme ça, tu trouveras pareil. Kama tudin, tudan. Comme tu te comportes, tu le trouveras devant toi, également. Donc l'indulgence, naam, elle est demandée, shar'an. Mais pas comme eux veulent le faire comprendre. Et nous, l'indulgence à At-tasamuh. Ouais. Chacun l'a désiré. Mais chacun, le rifq, tu le donnes à qui le mérite. Chaque chose à sa place. Ensuite, ils disent quoi parmi leurs chebouha? Que l'on puisse accepter, attention, que l'on puisse accepter les croyances des autres. On tolère leurs croyances et leurs actes. Bien qu'on sache qu'elles soient fausses, on les tolère. Et on ne leur dit pas ce qui les blesse. On ne blesse pas les koufars quand on leur parle. Tout comme on peut les forcer à délaisser leurs actes blâmables et les empêcher d'agir en fonction de ce qu'eux ils voient. C'est-à-dire, là ça englobe quoi? Demain, un kafir, il fait du zina, pour eux, tu le laisses faire. Demain, un kafir, il boit de l'alcool, tu le laisses faire. Et particulièrement sur leur terre. Là, c'est un livre qui est écrit par quoi? Par là, le gouvernement des Émirats. Donc, c'est une terre d'islam. Donc là, le gouvernement est en mesure de pouvoir agir. Non, tu le laisses faire. Donc le shir dit, le fait, cette conception qu'ils ont de la tolérance, va nous emmener à devenir comme les fils d'Israël. Ceux sur qui Allah SWT a dit L'ouïna allazina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud ou Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadoun. Kanu yatanahaoun an munkarin fa'alou. La bi'sa ma kanu yaf'aloun. Ont été maudits ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël sur la langue de Daoud et de Isa, fils de Maryam. Et cela pour leur désobéissance, leur infraction. Ils ne s'empêchaient pas de faire un mal qu'ils commettaient. Quelle mauvaise chose qu'ils faisaient. Comme Allah Ta'ala. La bisama kanou yafaloud. Ça, c'est un hadith qui est venu également. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de ressembler aux juifs. Dans le fait de quoi? Que demain ils vont blâmer quelqu'un, le soir ils mangent avec lui. Ensuite, il cite le hadith rapporté par l'imam muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma min nabiyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli ila kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la ya'murun faman jahadahum biyadihi فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Le hadith sur Ibn Mas'ud, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il n'est pas eu de messager qu'Allah aurait envoyé avant lui sans qu'il n'ait eu des compagnons, des apôtres, al-hawaliyun, c'est traduit par apôtre, des notables, des gens autour de lui, qui prennent sa tradition et qui la suivent et qui observent son ordre. Ensuite, sont venus des gens d'après eux, des deux générations après eux, qui disent ce qu'ils ne font pas et qui font le contraire de ce qu'ils ordonnent. Donc celui qui les combat avec sa main est un croyant. Celui qui les combat avec sa langue est un croyant. Celui qui les combat dans son cœur est un croyant. Et il n'y a en dessous de cela plus de foi. En dessous de cela, il n'y a plus de foi. Le plus bas degré de la foi, c'est de le combattre par ton cœur. Donc ensuite, il citait une parole de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qui commente ce hadith. Et ce hadith revient au hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radhiyallahu anhu. Man nara minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi. Falyastatir fa bi lisanihi. L'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit quoi? وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابَ أَعْنِي بَابَ الْأَمْرِ بِالْمَعْلُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ قَدْ ضَيَّعَ أَكْثَرُهُمْ مِنْ أَزْمَانٍ مُتَطَاوِلَةٍ. Que ce domaine qui est l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable, c'est une chose dans laquelle beaucoup se sont perdus à travers le temps. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ illa rusum qalilatun jiddan. Donc aujourd'hui on trouve que peu de personnes ou peu de traces de cela. Wa babun azimun bihi qawam al-amr wa malakih wa idh kathura al-khubth amma al-iqab as-salih wa at-talih wa lam wa idh lam ya'khudhu 'ala yadi adh-dhalim aw shaka an yu'immahum Allah ta'ala bi'iqabihi kama qala ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi antusibahum fitnatun yusibahum adhabun alim. Donc il dit par exemple que cela est une chose fondamentale d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, et que si le faux ou le mal augmente et s'accroît, le châtiment va englober les pieux comme les pervers, tout le monde sera pris par le châtiment. Que si on ne n'empêche pas l'injuste d'agir, nous serons sur le point d'être tous concerné par la colère d'Allah, comme dans le sens où il dit que prenne garde que ceux qui s'opposent à son ordre, à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne soient atteints par une fitna ou par un châtiment dur. Et la fitna est interprétée comme étant le shirk ou le kouf ou la bid'a également par certains salaf. فَيَنْبَغِي لِلْتَالِبِ الْآخِرَةِ وَالسَّعِي فِي تَحْصِيلِ رِضَى اللَّهِ رِضَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعْتَنِيَ بِهَذَا الْبَابِ. Donc il revient à celui qui désire l'au-delà, qui s'efforce d'obtenir l'agrément d'Allah, de se soucier dans ce domaine. فَإِنَّ نَفْعَهُ عَظِيمٌ لَسِيَمَا قَدْ ذَهَبَ مَعْظَمُهُ. Car le bénéfice à en tirer est énorme, car la plupart de ce domaine est déjà parti. Il a été, il est révolu, c'est-à-dire les gens l'ont délaissé. وَيَخْلِصْ نِيَّتَهُ لَا يُهَابِنُ مَنْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ لِيَرْتِفَعْ مَرْتَبَتِهِ. فإن الله تعالى قال ولنصرن الله ما ينصره وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Donc que celui qui appelle au convenable et interdit le blâmable, qu'il fasse attention à sa niya, qu'il ne se mette pas amoindrir du mal de celui qui blâme en vue et faire preuve, comme on dit, de Moudahana. Par exemple, demain, celui à qui tu fais un blâme, tu es un peu, on va dire, souple avec lui parce que c'est quelqu'un qui pourra te faire monter en degré. Hein? Tu es opportuniste, comme on dit. Tu auras un avantage à tirer de lui par la suite. Pourquoi ? Car là, dans le sens, il dit que celui qui secourt Allah, c'est-à-dire sa religion, Allah va le secourir. Et qu'Allah est dit, dans le sens, que ceux qui s'accrochent à Allah seront certes guidés à droit chemin. Et qu'Allah, dans le sens, il dit, ceux qui ont combattu en nous, nous les guiderons sur l'autre sentier. Et dans le sens, il dit également, que, est-ce que les gens pensent que nous allons laisser dire, nous croyons, sans qu'ils ne soient éprouvés ? Certes, nous avons éprouvé ceux d'avant eux, que Allah sache ceux qui ont été véridiques, hein, et qu'il sache qui étaient les menteurs. Donc, être, comme on dit, souple, en fonction du niveau de vie de la personne à qui tu blâmes, que tu blâmes, cela ne sert à rien. Et sache que la récompense est en mesure de la fatigue. La fatigue que tu auras rencontrée, ta récompense sera en mesure d'elle. Plus tu seras fatigué pour la chose, plus ta récompense sera grande. Que tu ne laisses pas une personne parce que c'est ton copain. Pour l'amitié que tu as envers lui. Ce n'est pas pour autant que tu te tais sur le monde car. وله حرمة وحقا فمن حقه أن يمسحه ويهديه إلى الصالح آخرته. Car cette personne-là a un droit sur toi, ton ami a un droit sur toi. Parmi ses droits, que tu le conseilles et que tu le guides vers un chemin droit pour son au-delà. Alors justement, il dit par la suite que normalement, une personne, plus tu l'aimes, plus c'est ton ami, plus tu t'efforces justement à le conseiller. Tu veux de le bien pour lui. Tu peux laisser s'égarer. Tu peux laisser faire un mal sans le conseiller. Car telle était justement la voix des prophètes envoyés aux hommes. Ils sont venus pourquoi ? Conseiller les gens pourquoi ? Pour leur akhira. Qui sont prêts à délaisser le bas monde, durant le bas monde, pour obtenir l'akhira. Car en conseillant les gens, on sait que tu vas rencontrer des difficultés. Les gens ne vont pas accepter pour la plupart d'entre eux. Il se peut que cela te nuise dans cette dunya, en apparence. Par exemple, demain, quelqu'un, il a un poste, il a un travail, et là, il va conseiller son patron ou ses collègues. Cela peut lui coûter son poste. Donc, le conseiller est prêt, justement, à délaisser de cette dunya pour son akhira. Et telle était la voix des prophètes. Et pourquoi Shaitan, lui, justement, est notre ennemi déclaré ? Et ce contraire, il est prêt à te faire réduire de ton au-delà pour que ta dunya elle monte. Tu fais des péchés, tout ça, pour obtenir ce bas-monde, ou sur le compte de ton au-delà. C'est ça qui fait Shaitan. Il te fait aimer la dunya au détriment de ton akhira. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit, à propos du hadith de Abi Sa'id al-Khudri, celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main, le hadith. Il dit qu'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit que celui qui ne connaît pas dans son cœur le blâmable du convenable, celui-là va périr. Et le fait d'interdire le blâmable et d'entendre le convenable est une chose qui revient à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Et celui qui ne reconnaît pas cela sera perdu. Et d'ailleurs, des gens sont venus faire un taqsim dans le Amr bin Ma'louf ou le Nahi al-Munkar. Ils disent que changer ce qui est par la main, c'est pour les autorités. Ou ceux qui ont autorité sur les gens. Par la langue, c'est pour les ulama. Dans le cœur, c'est pour tout le monde. Ce taqsim, à la base, il n'a pas d'origine. An-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qu'allait Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih fa in lam yastatir fa bilisani wa in lam yastatir fa bikalbi. Il dit bien quoi ? Celui d'entre vous, n'importe qui peut changer un mal par sa main, qu'il le fasse. Qui peut ? S'il ne peut pas, alors par sa langue. Donc pas la peine de venir diviser les gens en gouverneur, gouverné, savant. Le hadith l'explicite en lui-même. Celui qui peut. Tu peux pas le faire, ça ne revient pas à toi. Demain, un exemple, toi et moi, parce que des gens disent, ouais, par exemple, cela ne revient que aux gens qui ont autorité sur d'autres personnes. Par exemple, le gouverneur sur le gouverné. Le maire sur les gens de la ville, ou le père sur les gens de sa famille, ma falade. On dit, non, c'est plus large que ça. Demain, par exemple, toi, tu es dans la rue avec 5 frères, ma falade. 5 frères. Et vous voyez, un frère se fait agresser par un autre. Ou même un kafir, on va dire. Allez, un frère se fait agresser par un kafir. Plus fort que lui. Tu dis, non, je ne suis pas le maire, je ne vais pas l'empêcher. Je ne change pas le mal. Je vais appeler la police. J'ai pas autorité sur ce kafir, donc je ne peux pas. Comment ? Vous êtes 5, il est tout seul. Là, tu as la contrainte de le faire. Tu peux le faire. En plus, on te fout la haque. Valéman Mazlouman. Il y a le hadith, le deuxième. Ce contre ton frère, qu'il soit opprimé ou oppresseur. Comment tu le laisses faire taper là par un kafir, là dans la rue là? Parce que tu n'as pas, soi-disant, le hadith, tu n'as pas compris. Il y a quand même 5. Même tout seul, tu peux y aller. Même tout seul, tu peux y aller. Mais il est tout seul, c'est un être humain, vous êtes deux. Au minimum, tu sépares. Peut-être c'est le musulman qui a commencé, peut-être. Au minimum, tu viens, tu sépares. Parce que c'est pas parce que forcément un kafir ne tape pas muslim, c'est-à-dire que le musulman, il a raison. En tout cas, c'est le musulman qui a fait un mal. Allah alam. En tout cas, au minimum, tu sépares. Ou tu essaies de séparer. Mais tu es là, tu dis non, moi, j'ai pas autorité. Donc ce taksim, hein, cette façon de catégorifier la chose, elle n'a pas d'origine. Il y a des choses, certes, tu ne pourras pas le faire. On le sait déjà. Le hadith, il le dit. Il n'aime pas se tenter. Tu ne peux pas. Donc ce taksim, on n'a pas besoin. Le hadith est clair en lui-même. Et demain, tu peux changer un mal par ta main, que tu sois un père de famille. Demain, le fils d'un frère fait un mal. Ce n'est pas ton fils. Tu ne veux pas l'en empêcher. Il est petit. Tu dis, non, je ne suis pas son père, je le laisse faire. Si tu peux le faire, tu le fais. Que tu sois policier, que tu sois militaire, que tu sois le maire de la ville, que tu sois un éboueur. Un exemple extrême que je donne. Par contre, éboueur en France, moi, il y a une chose. Tu fais un éboueur en pays d'Islam, par exemple. Tu balles la rue, la salade, t'as un balai dans la main, il y a une bagarre entre les petits jeunes, les petits voyous. Ah, tu vois, tu distribues les coups de balai, mon frère. T'arrêtes ça. Et t'appelles la police. Mais t'entends pas que la police elle arrive pour commencer déjà à disperser. Donc, parmi les paroles graves que ces gens ont dit là, que les koufars, on ne peut les empêcher d'avoir la croyance qu'ils ont, et on ne les empêche pas de faire le mal qu'ils font. Comme Mac Blama dans l'islam. Même si on les voit comme étant faux. On sait, on reconnaît qu'ils sont faux, mais on les laisse faire. Par tolérance, par indulgence. Zahman. En quelque sorte, ça revient à ça. Et les hadiths, les adilas mutakaddima, raddat ala hadith al-fahm al-saqim. Donc, ces gens-là font ça en l'autre sein. Les muslimines, on les laisse faire, on se tait, on accepte, dans le sens, au minimum, dans notre cœur, on dit non, on est indulgent, on les laisse faire. Non, on n'est pas indulgent. Là, il n'y a pas d'indulgence à ce moment-là. Là, cette indulgence-là, elle est haram. Les adilèves qui sont venus avant, tu dois agir. Si tu peux agir de ta main, tu le fais. Tu peux faire avec ta langue, tu le fais. Et au minimum, dans ton cœur. Donc, dans ton cœur, Harry, c'est pas indulgent. Indulgence, c'est t'acceptes. Je suis indulgent, j'accepte. Parmi leurs chouboîtes, également, qu'est-ce qu'ils disent? Que les échanges avec les Israéliens et les musulmans, c'est-à-dire non musulmans, non musulmans. Ça va venir après, Inch'Allah, on va en parler après. Le shir va parler de cette expression plus tard. Que cela doit être fait avec sagesse, douceur et de façon convenable. Ainsi, cela coïncide avec le fait d'avoir de la hikma, de la sagesse. Mais le hikma, qu'est-ce que tu veux dire par hikma? Car le hikma, on a dit souvent, c'est mettre les choses à leur place. C'est pas la hikma comme établir. T'es mou, t'es une guimauve. C'est pas ça la hikma. En toute circonstance, on dit non, c'est pas ça la hikma. La hikma, être doux quand il faut, être dur quand il faut. C'est ça la hikma. Hein, la hikma, mais sifatillah. Allah, il n'a pas de la dureté, Allah. Inna Allah shadid al-iqab. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc pour eux, hein, cela revient à être dans les échanges, à être s'entraider avec eux, être doux avec eux, être gentil avec eux. ماذا قال الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, certes Allah va venir avec un peuple que lui aime et que eux ils aiment, c'est-à-dire ils aiment Allah et Allah les aime. Doux et humble envers les croyants, et après il dit quoi? Et puissant et fier, fier envers les mécréants. Et combattent sur le sentier d'Allah et n'ont pas peur de ceux qui blâment. Ils n'ont pas peur des reproches de ceux qui blâment. Et cela est la grâce d'Allah, il la donne à qui veut, et Allah est certes large et savant, omniscient. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والعوذ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Le prophète combat les mécréants et les hypocrites et sois rude envers eux. Leur refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination. وقال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Si nous l'avions voulu, nous aurons certes envoyé dans chaque contrée un avertisseur. N'obéis pas aux mécréants et combat-les grandement, comme on dirait. Jihadan kabiran. tout ça, ça revient à refuter ce qu'ils disent. Être doux avec eux, dans les échanges, ce genre de choses. Mais Adil a dit, sois dur avec eux. Et après, ça va venir. D'autres chouboites, ils vont arriver dans ce sens-là, par rapport à des versets, qu'ils ont sorti de leur contexte, et le rod va venir, biznillah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا الكتاب بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضياقه. Ne commencez pas par le salam aux gens du livre et également aux autres mécréants. Tu ne les salues pas en premier. Et là, salam, les ulama, ils ont fait un tarmim, tout ce qui est salutation. Tout terme de salutation, tu ne commences pas. Ni bonjour, ni comment allez-vous, ce genre de choses. Lui, commence. Et après toi, en fonction de ce qu'il t'a dit, tu lui réponds. Si tu dis assalamu alaikum, tu dis wa alaikum. Comme on dit dans le hadith Aïcha, tu dis wa alaikum. Il y a des ulama, ils voient que non, tu leur dis, si tu as bien compris qu'il a dit assalamu alaikum, tu as bien compris, tu lui réponds. Mais le hadith, il est wadih pour moi. Donc l'avis le plus prépondérant, c'est celui-là. Si tu dis alaikum assalam, ou tu dis assalamu alaikum, toi tu dis wa alaikum. Et le hadith, il dit quoi également? Si dans la rue, vous les rencontrez, alors contraignez-les, serrez le passage sur eux, poussez-les vers le coin le plus serré du passage. Ça, c'est doux, ça, avec eux. Et c'est un ordre. Bien entendu, ça, maintenant, malheureusement, dans beaucoup de pays d'islam, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Du moins, tu le fais sans qu'on te voit, discrètement. Il n'y a personne dans la rue, tu marches, tu vois qu'il y a un touriste qui débarque, allez, hop, dans le coin de la rue. Mais tu fais ça dans un lieu, dans des pays, franchement, c'est toi qui auras des problèmes. C'est clair. Il va se mettre de toi, c'est toi qui auras des problèmes. Toi, le barbu, c'est un touriste qui apporte de l'argent, que les poches pleines d'euros et de dollars, devant les autorités, c'est toi qui perds. Donc on voit des preuves qui prouvent que cela démontre la fausseté de leur compréhension, de leurs idées, de leur idéologie. Et là, il finit par quoi? L'appellation non-musulman. Réel muslim, comme on dit en arabe. Il dit, dans ce livre-là, sur lequel il réplique, tu les vois, hein, ils sont mal à l'aise de dire kuffar, de dire mécréant. Ils n'arrivent pas à le dire. Tout le temps, réel muslim. Réel musulman, c'est-à-dire non-musulman, non-musulman. Donc le réel musulman, c'est le kafir. Et ce terme à la base, dans le Coran, dans la Sunna, n'ont pas d'origine. Le kafir s'appelle kafir. Mécréant. Mouchilik. Associateur. Mourel Zalika. Quand l'État est là, wa qul al-haq min rabbikum, fa man shafa al-yu'min, wa man shafa al-yakfur. Et dites la vérité de votre Seigneur, celui qui veut croit qu'il croit, celui qui veut croire qu'il mécroit. وقال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Nous l'avons guidé sur le chemin, soit il remercie les reconnaissants, soit il est ingrat et mécréant. Donc cette appellation envers eux pour ne pas les froisser, pour ne pas les blesser, non musulmans, cela est faux. J'en avais déjà parlé dans un audio. Il faut comprendre la différence entre les décrire par cette nomination entre nous et leur dire cela pour eux pour ne pas les blesser. C'est-à-dire, ulama, des fois ils le disent. Dans une fatwa, mal mu'amalat ma'a ghayr muslim. Quel est le comportement, par exemple, l'échange différé à avoir avec le non-muslim, le non-musulman. Là, le questionneur ne dit pas cela pour plaire à ce mécréant. Il le dit juste pour, en guise de description pour son savant, pour le mufti. Donc le mufti répond. Mais maintenant, toi tu dis cela parce que tu sais qu'ils vont t'écouter, tu ne veux pas les blesser. Là, c'est autre chose. Inam al-amal bi-niyya. À ce moment-là, cette appellation est fausse. Tu n'appelles pas non musulman, tu l'appelles mécréant. Le Nabi Salam ne leur a jamais dit intérêt le musulman. On a déjà parlé ça dans d'autres audios. Oum Sulaim, lorsque Abu Talha voulait se marier avec elle, il n'était pas encore musulman. Elle a dit quoi? Il n'a qu'à rajouter une kafir, elle lui a dit. Elle n'a pas dit intérêt le musulman. Il était un mécréant. Pourtant, on voulait se marier avec lui. Oul ya ayyuhal kafiroun, la abudu ma ta'budun, wa la antum abuduna ma abud. El aya. Dit, oh vous les mécréants, on n'a pas dit ya ayyuhal musulman. Ce terme à la base n'est pas légiféré dans le sens où ils veulent l'employer. Pour caresser, dans le sens du poil, se faire bien voir, être doux, hein, être amour, indulgent, tolérant. Je t'appelle non musulman, non mécréant. Dis-lui qui il est. Justement, en faisant ça, tu ne montres pas la gravité de quoi il est. Dis-lui, mécréant. Et si tu n'accaches, on le dit souvent, ça veut dire quoi mécréant? Est-ce que tu crois au Coran? Il va te dire non. Tu crois au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il va te dire non. Donc tu m'écrois. Il va te dire oui. Ah, c'est pas mécréant. Pourquoi il se prend de la tête, hein, c'est un calouf comme ça. Mais bon. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui. Hein, cette chouboette encore du tasamouh, l'indulgence, la tolérance, le fait d'être doux envers eux, dans les échanges. La réalité, c'est qu'il faut être dur avec eux. au point de leur resserrer le passage quand ils passent. Et le fait de les appeler non-musulmans. Moi, c'est vrai que le terme musulman, je ne l'aime pas à la base. C'est pour que les gens comprennent. Là-bas, c'est non-muslim. Si ils sont musulmans, ils vont pas comprendre. Donc, ton musulman, tu l'appelles mécréant, associateur, et des termes, tu en as plein pour le décrire. Un non-musulman, pour ne pas le froisser, ça, c'est pas machulo. C'est pas légiféré. Ça, c'est pas légiféré, ça. Ayyeb, quand même. Fanaktafi bihada. والحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com